Chapitre 18e. Les rivaux. L'intimité s'accrut entre Miss Dunstable et Frank, mais elle ne prit point le caractère d'une affaire de cœur. Il y avait entre eux un échange continuel de plaisanteries qui n'était compris de personne au château. Mais le fait seul de cette bonne intelligence nuisait plutôt qu'il ne contribuait au grand résultat tant désiré par la comtesse. En général, l'amour ne se traduit que par des rires bruyants, et il est rare qu'un homme obtienne la main d'une femme riche de 200 000 livres sterling sans avoir eu préalablement recours à quelques petites scènes de désespoir. Or, Frank riait trop, et il n'était nullement désespéré. Connaissant à fond le monde dans lequel elle vivait, Lady de Courcy voyait bien que les choses ne marchaient pas comme elles auraient dû marcher, et elle donnait constamment des avis à Frank sur la conduite qu'il avait à tenir. Elle les lui donnait d'autant plus volontiers qu'elle s'imaginait qu'il avait fait tout ce qui dépendait de lui pour se conformer à ses intentions. Il ne s'était moqué ni des cheveux crépus, ni de la voix masculine de Miss Dunstable. Il n'avait trouvé à redire ni à son manque de beauté, ni même à son âge. Un jeune homme aussi raisonnable méritait bien qu'on s'occupât de ses intérêts, et Lady de Courcy les appuyait de tout son pouvoir. « Frank, mon cher enfant, lui disait-elle, je crois que vous êtes un peu trop bruyant. Ce n'est pas pour moi que je parle, peu m'importe, mais je crois que Miss Dunstable préférait que vous fussiez un peu plus calme avec elle. « Vous croyez, ma tante ?» répondait Frank en la regardant avec un sérieux imperturbable. « Je crois au contraire qu'elle aime la gaieté bruyante. » « Il est vrai, mais il y a des moments où la gaieté doit être mise de côté. La plaisanterie est fort bien quand elle n'est pas déplacée, et j'aime la gaieté, moi aussi. Mais ce n'est pas ainsi qu'on exprime son admiration. Les filles à marier sont très sensibles à l'admiration. Et si vous étiez un peu plus réservé avec Miss Dunstable, je suis sûr que tout n'en irait que mieux. » C'est ainsi que le vieil oiseau enseignait aux jeunes à voler. Leçon bien inutile en vérité, car la nature en pareille matière est la meilleure conseillère. Les canetons se jettent à l'eau en dépit des avertissements de la poule qui les a couvés. Lady de Courcy ne tarda pas à s'apercevoir du peu de résultat de ses bons avis. Elle crut remarquer que Miss Dunstable était assez disposée à se moquer d'elle, et dans deux ou trois occasions, il lui sembla même que Frank se joignait à l'hilarité railleuse de la riche héritière. Le fait est que Miss Dunstable aimait à rire, et jouissant de tous les privilèges qu'une fortune de 200 000 livres sterling est supposée donner à une femme, elle ne se souciait guère de qui elle se moquait. Elle avait à peu près deviné le but de Lady de Courcy, mais il ne lui était pas venu même à la pensée que Frank eut l'intention de seconder les projets de sa tante. Elle aurait donc été assez disposée à se venger de la comtesse. « Combien votre tante vous aime ? » dit-elle à Frank, pendant une matinée pluvieuse passée tantôt à rire et à plaisanter avec elle, tantôt à taquiner sa sœur au sujet de M. Moffat, ou à forcer ses cousines à sortir un peu de leur dignité de grande dame. « Oui, elle m'aime beaucoup. C'est une excellente femme que ma tante de Courcy. Elle s'occupe en vérité plus de vous que d'aucun de vos cousins. « Je m'étonne qu'ils n'en soient pas jaloux. »« Oh, ils sont tous si bons, ils seraient incapables d'être jaloux. »« Vous êtes beaucoup plus jeune qu'eux. C'est sans doute pour cela qu'elle croit que vous avez plus besoin de sa sollicitude. »« Oui, probablement. Et puis, voyez-vous, elle aime bien avoir un petit enfant à soigner. »« Racontez-moi donc, Monsieur Gresham, ce qu'elle vous disait hier au soir. » « Nous nous étions assez mal comportés, je l'avoue, mais c'était votre faute. Vous me faites toujours rire. » « C'est précisément ce que je lui disais. Elle vous parlait donc de moi. Comment pourrait-elle parler de toute autre personne tant que vous êtes ici? Ne savez-vous pas que tout le monde parle de vous? Vraiment, c'est bien aimable en vérité. Mais je ne me préoccupe pas de ce que dit le monde. Je tiens seulement à savoir ce que Lady de Courcy vous disait. Elle me disait que vous étiez très belle. Elle est bien indulgente. Non, j'oubliais, c'était moi qui disais cela. Et elle disait... Que disait-elle donc? Elle disait qu'après tout, la beauté n'est qu'une chose passagère et qu'elle appréciait bien plus vos vertus et votre prudence que votre beauté. Mes vertus et ma prudence? Elle disait que je suis prudente et vertueuse. Oui. Et vous, vous parliez de ma beauté. C'était bien aimable de votre part. Vous n'avez pas parlé d'autre chose, ni l'un ni l'autre. De quelle autre chose? Oh, je ne sais pas. Seulement, il y a des personnes qu'on estime plus pour leur fortune que pour les qualités intrinsèques qu'elles peuvent posséder. Il n'en sera jamais ainsi de Miss Dunstable, particulièrement au château de Courcy. dit Frank en s'inclinant gracieusement. « Non, sans doute, » dit Miss Dunstable. Et Frank s'aperçut qu'elle ne parlait plus du ton enjoué et moqueur qui lui était habituel. « Non, sans doute. Une pareille idée ne se présenterait jamais à l'esprit des habitants du château de Courcy, et encore moins à celui de la comtesse. » Puis elle ajouta d'un ton tout à fait nouveau pour Frank. « Dans tous les cas, je suis bien sûr qu'elle ne se présenterait jamais à l'esprit de M. Gresham. » Frank aurait dû comprendre et apprécier la bonne opinion qu'elle émettait sur son compte, mais il ne la comprit qu'imparfaitement. Jouant lui-même un double jeu avec Miss Dunstable, il ne s'aperçut pas d'abord qu'elle voulait donner à entendre qu'elle le jugeait incapable de feindre avec elle. Il savait très bien qu'elle faisait allusion à son immense fortune et au fait que les jeunes gens du monde fashionable ne la recherchaient que pour sa richesse, mais il ne savait pas qu'elle la quittait complètement d'une pareille bassesse. Et méritait-il d'en être acquitté? Oui, jusqu'à un certain point. Son désir de se concilier momentanément l'affection de Miss Dunstable provenait moins de ce qu'il recherchait sa fortune que de l'ambition de l'emporter dans une lutte où tous ceux qui l'entouraient semblaient échouer. Car il ne faut pas s'imaginer qu'on lui laissa le champ libre et que l'héritière ne lui fût pas disputée. La chance d'obtenir la main d'une femme riche de 200 000 livres sterling ne se présente pas assez souvent pour qu'on ne cherche pas à la mettre à profit, quelque douteuse qu'elle soit. Frank devait hériter d'une propriété grevée de dettes, voilà pourquoi le conseil de famille avait décidé de lui faire épouser cette fille de Plutus. Mais tel n'était pas l'avis de l'honorable George, ni de celui d'un autre gentleman alors en visite au château. Ces prétendants peut-être méprisaient un peu les efforts de leur jeune rival. Peut-être aussi qu'ils avaient assez d'expérience pour savoir qu'une affaire de cette importance ne se décide pas à la légère et que Frank était trop rieur pour prendre la chose au sérieux. Quoi qu'il en fût, sa conduite n'entravait en rien leur projet et ses espérances, tant qu'il en eut, ne frustraient en rien les leurs. L'honorable George avait discuté ce sujet d'une manière toute fraternelle avec l'honorable John. Il est bien possible que John eût aussi ses vues sur l'héritière. Mais quoi qu'il en fût, les deux frères s'entendirent admirablement en cette occasion et le plus jeune céda le pas à son aîné. Il l'aida même de ses bons conseils. « Si cela doit se faire, lui dit-il, faites-le immédiatement. »« Dès que vous le voudrez, dit George. » Je ne suis pas de ceux qui étudient pendant 3 mois l'attitude qu'il faut prendre pour tomber aux pieds d'une femme. Non, et quand vous y serez, ne restez pas 3 mois à étudier comment vous devez vous relever. Si vous comptez le faire, faites-le immédiatement, répéta John avec emphase. Je lui ai déjà dit quelques paroles, elle n'a pas paru s'en offenser. Ce n'est pas une colombe bien timide, vous savez. Il est inutile de louvoyer avec une femme de cette trempe-là. Il se peut qu'elle ne veuille pas de vous. « Cela est assez naturel. L'écaille ne tombe pas tout rôtie dans la bouche d'un chasseur. Cependant, il est possible qu'elle vous accepte, et dans ce cas, elle vous épousera aussi bien demain que dans 6 mois. Si j'étais vous, je lui écrirais. »« Lui écrire ?» dit George, qui goûtait assez cet avis, car malgré sa facilité à s'étendre sur les mérites des filles des fermiers, il sentait qu'il lui serait moins facile de déclarer de vive voix sa passion à Miss Dunstable. « Oui, écrivez-lui. » Si elle est disposée à vous accepter, votre lettre la décidera. La moitié des mariages se fait de cette manière. Écrivez-lui et faites déposer votre lettre sur sa toilette. George profita du conseil de son frère. Il avait dit vrai quand il s'était vanté d'avoir adressé quelques paroles tendres à Miss Dunstable. Mais Miss Dunstable était accoutumée à s'en entendre adresser. Elle avait été beaucoup dans le grand monde, depuis que, par le testament de son père, elle était devenue l'héritière de la pommade du Liban, et plus d'un homme avait fait relativement à elle le même calcul que George de Courcy. Elle était accoutumée à se considérer comme le point de mire des dissipateurs et des riches besogneux, accoutumée à se mettre en garde contre leurs attaques, sans faire une scène, et à rejeter les établissements avantageux qui lui étaient proposés sans exprimer hautement son dédain pour de pareilles offres. Les paroles doucereuses de l'honorable George avait donc été reçue comme une chose toute naturelle, et la correspondance qui s'ensuivit ne fit pas plus de bruit. Voici la lettre de l'honorable George. Château de Courcy, août 1850 et quelques. Chère Miss Dunstable, j'ose me flatter que, d'après ma manière d'être envers vous, vous avez pu vous apercevoir que vous ne m'êtes pas indifférente. Non, vous ne m'êtes pas indifférente. Je puis dire en toute vérité, je puis même le jurer. » Ces derniers mots avaient été ajoutés d'après le conseil de l'honorable John. « Que si jamais un homme aima sincèrement une femme, cet homme, c'est moi. Vous trouvez peut-être étrange que je vous écrive, au lieu de vous déclarer franchement mon amour, mais j'ai craint de m'exposer aux traits de votre esprit si fin et si railleur. » Parlez de son esprit, cela la flattera, avait dit John. Chère, bien chère Martha, oh, ne m'en veuillez pas de vous appeler ainsi. Si vous voulez me confier votre bonheur, vous n'aurez jamais lieu de vous en repentir. Je mettrai toute mon ambition à vous faire briller dans ce cercle que vous êtes si bien faite pour embellir, et à vous voir fermement établie dans la sphère élevée où tous vos goûts vous appellent. Je puis vous dire avec franchise, et je vous l'affirme la main sur le cœur, que mes motifs ne sont nullement intéressés. Loin de moi la pensée d'épouser une femme, fût-elle princesse, uniquement pour sa fortune. Aucun mariage ne peut être heureux sans une affection mutuelle, et j'espère sincèrement qu'une pareille affection existera entre nous, chère Miss Dunstable. Je souscrirai à tous les arrangements de fortune qu'il vous plaira de me proposer. C'est vous, c'est votre personne que j'aime, et non votre fortune. Quant à moi, je n'ai pas besoin de vous rappeler que je suis le second fils du comte de Courcy, et que, comme tel, ma position sociale n'est pas à dédaigner. Mon intention est d'entrer au Parlement et de me faire un nom parmi ceux qui brillent à la Chambre des communes. Vous savez que mon frère aîné, Lord Porlock, n'est pas marié, et nous craignons que les malheureuses liaisons qu'il a contractées ne nuisent à son avenir et ne l'empêchent de perpétuer le nom de la famille. Je n'ai aucun empêchement de ce genre, et je serais trop heureux de poser une couronne de comtesse sur le front de ma charmante Martha, couronne qui ne pourra lui prêter une nouvelle grâce, mais qui acquerra un nouvel éclat en étant portée par elle. Chère Miss Dunstable, j'attendrai votre réponse avec la plus vive impatience. Je brûle de l'espoir qu'elle ne sera pas tout à fait défavorable à mon amour, et je vous prie de me croire, votre bien dévoué, George de Courcy. L'ardent amoureux n'attendit pas longtemps la réponse de Miss Dunstable. Elle trouva cette lettre sur sa toilette, le soir, en allant se coucher. Le lendemain, elle descendit au déjeuner et rencontra son admirateur sans témoigner la plus légère émotion, de sorte que tout en déjeunant d'un air assez embarrassé, l'honorable George commençait à croire qu'elle n'avait pas encore lu sa déclaration. Mais cet état d'incertitude ne fut pas de longue durée. Après le déjeuner, il se rendit, selon sa coutume, aux écuries avec son frère et Frank Gresham. Tandis qu'il y était, le domestique de Miss Dunstable l'aborda poliment et lui remit une lettre. Frank, qui connaissait le domestique, jeta un coup d'œil furtif sur la lettre, puis il regarda son cousin, mais il ne fit aucune observation. Cependant, il ne put se défendre d'un petit mouvement de jalousie. Il lui semblait que toute correspondance entre Miss Dunstable et son cousin était une offense personnelle. Voilà la réponse de Miss Dunstable, et il est bon d'ajouter qu'elle était écrite en caractères fermes et lisibles qui ne trahissaient aucune émotion. Cher monsieur de Courcy, je regrette d'avoir à vous dire que d'après votre manière d'être à mon égard, je ne me suis nullement douté de vos sentiments pour moi. Si je m'en étais aperçu, j'aurais immédiatement tâché d'y mettre fin. Je suis très flatté de votre bonne opinion, mais je suis dans une position trop inférieure à la vôtre pour répondre à votre affection, et je ne puis, par conséquent, que vous exprimer l'espoir de l'avoir bientôt effacée de votre cœur. J'estime qu'une demande en mariage peut parfaitement se faire par lettre. Je ne trouve donc là rien de fort étrange, mais j'étais loin de m'attendre à un pareil honneur. Quant aux traits de mon esprit railleur, j'espère qu'ils ne vous ont jamais blessé. Je puis vous assurer que vous n'en souffrirez jamais. J'espère que vous aurez bientôt un plus digne sujet d'ambition que celui auquel vous faites allusion, car je sais parfaitement que nul effort ne réussira jamais à me faire briller nulle part. Je suis convaincu que vos motifs ne sont point intéressés. De pareils motifs seraient indignes de votre nom et de votre noble race. La fortune que je possède ne peut être qu'une bien faible considération pour un homme qui aspire comme vous à placer une couronne de comtesse sur le front de sa femme. Cependant, J'espère pour votre famille que Lord Porlock, en dépit de tous les obstacles, pourra bientôt en faire autant pour une épouse de son choix. Je suis heureuse de savoir que de semblables obstacles n'entravent pas vos espérances de bonheur domestique. Espérant sincèrement que vous réussirez dans votre noble ambition de briller au Parlement, ambition que je regrette de ne pouvoir partager avec vous, je vous prie de me croire, avec la plus haute considération, votre dévoué Marthe Dunstable. L'honorable George, avec une modestie qui lui faisait honneur, accepta la réponse de Miss Dunstable comme un refus formel et ne l'importuna plus de ses assiduités. Ainsi qu'il le dit à son frère, il n'en était résulté aucun mal et il serait peut-être plus heureux une autre fois. Mais un des hôtes du château de Courcy n'était pas aussi facile à décourager dans ses recherches d'amour et de fortune. Cet homme n'était autre que M. Moffat, dont une fiancée et les préoccupations de l'élection de Barchester ne satisfaisaient pas l'ambition. On ne peut nier que le mariage n'offre aux jeunes gens qui tiennent à la fortune des chances d'avenir dont on ne devrait pas abuser légèrement. Trop souvent, les jeunes gens se marient sans réflexion. Ce n'est pas que l'argent leur soit indifférent, mais ils se trompent sur leurs propres valeurs et négligent de regarder autour d'eux pour profiter de l'expérience des autres. Un homme n'est jeune qu'une fois, et à moins d'un cas tout exceptionnel, il ne se marie qu'une fois. La chance, une fois perdue, on peut dire qu'elle ne se représente plus. Combien d'hommes d'un âge mûr voit-on travailler, se tourmenter pour obtenir un avancement douteux, tandis que la moitié de ce travail et de ses préoccupations leur eût probablement assuré dans leur jeunesse les jouissances durables qu'offre un riche mariage. On voit des hommes travailler nuit et jour pour devenir directeurs de quelque banque, et souvent cette direction n'est que le chemin de la ruine. D'autres passent des années entières à un service dégradant pour obtenir une ligne dans un testament, et cette ligne, une fois obtenue, n'est qu'une bien faible compensation pour tout ce qu'ils ont eu à souffrir. D'autres luttent, plus péniblement encore, pour paraître ce qu'ils ne sont pas, et le plus souvent, ils auraient évité tous ces maux s'ils avaient su faire meilleur usage des chances que la jeunesse et les charmes de la jeunesse seuls offrent et n'offrent qu'une fois. Il n'y a pas de chemin plus facile et plus respectable pour arriver à la fortune que celui que nous ouvre le mariage, excepté, bien entendu, quand on se contente d'y arriver par un travail lent et honnête. Mais il est si rare de voir de vieilles têtes sur de jeunes épaules. M. Moffat offrait cependant une des rares exceptions de ce genre. Ses épaules étaient jeunes, puisqu'il avait à peine 26 ans, mais sa tête avait toujours été vieille. Depuis l'époque de sa majorité, sa vie n'avait eu qu'un seul but, celui de tirer le meilleur parti possible de lui-même. Il ne s'était jamais permis le plus petit écart de jeunesse. Aucune indiscrétion n'avait porté préjudice à son avenir. Sans esprit, sans talent, sans principes bien arrêtés ni aptitude pour le travail, il avait siégé 2 ans au Parlement comme représentant de Barchester. Il était l'hôte du comte de Courcy et le futur époux de la fille aînée d'une des meilleures familles du comté, et quand il songea pour la première fois à demander la main de la riche héritière, il ne doutait nullement de sa réélection au Parlement. Mais quand il réfléchit à la réalité de sa position dans le monde, il se demanda si son mariage avec Miss Gresham n'était pas une folie. Pourquoi épouser une fille sans fortune quand la conquête de Miss Dunstable était encore à faire ? Certes, les 6 ou 7 000 livres sterling de revenus dont il jouissait lui constituaient une belle rente. Mais que ne pourrait-il pas faire s'il y ajoutait la fortune presque fabuleuse de l'héritière ? N'était-elle pas là comme jetée sur son chemin ? Ne serait-ce pas une folie de négliger une pareille occasion ? Il perdrait, il est vrai, l'amitié des 2 Courcy. Mais s'il réussissait à être réélu au Parlement, il pourrait facilement se passer d'eux. Il encourrait peut-être aussi l'inimitié des Gresham, et tout cela lui donna ample matière à réfléchir. Mais quel danger un homme n'affrontera-t-il pas pour obtenir 200 000 livres sterling? C'est ainsi qu'après avoir parlementé avec lui-même, M. Moffat résolut de se mettre sur les rangs des aspirants au grand prix. Lui aussi commença à débiter de tendres discours à Miss Dunstable, et il faut convenir qu'il sut mieux s'y prendre que l'honorable George. Il était convaincu que Miss Dunstable n'était pas une sotte, et qu'il ne suffisait pas de la flatter pour la subjuguer. C'était, selon lui, un oiseau qui ne se laissait pas facilement prendre au piège des honorables George. Il semblait aussi à M. Moffat que bien que Miss Dunstable fût gaie et toujours disposée à causer et à rire de tout, elle appréciait fort bien la valeur de son argent et les avantages de sa position. Il avait remarqué qu'elle ne flattait jamais la comtesse et qu'elle ne paraissait nullement intimidée de l'illustration nobiliaire de ses hôtes. C'est sous l'influence de ces idées que M. Moffat commença ses opérations, tout en s'y prenant de manière que si ses ouvertures ne réussissaient pas auprès de l'héritière, elles ne nuisissent en rien à son engagement avec les Gresham. Il commença par faire cause commune avec Miss Dunstable. Leur position dans le monde, lui dit-il, était semblable. Ils étaient sortis tous deux d'une classe inférieure, grâce à une honnête industrie. Ils étaient riches l'un et l'autre, et jusqu'ici ils avaient su faire usage de leur fortune de manière à engager la plus haute aristocratie du pays à les admettre dans ses cercles. « Oui, monsieur Moffat, lui avait-elle répondu, et si tout ce que j'entends dire est vrai, l'aristocratie est même sur le point de vous admettre dans son sein. » M. Moffat parut un peu embarrassé. Il ne voulait pas, dit-il, affecter de ne pas comprendre ce que Miss Dunstable voulait dire. Il en avait été question, en effet, mais il priait Miss Dunstable de ne pas ajouter foi à tout ce qu'elle entendait dire à ce sujet. « Je ne crois pas à tout ce que j'entends dire, avait-elle répondu, mais je pensais que ceci était digne de foi. » Puis M. Moffat lui avait démontré de quelle manière il importait qu'ils se conduisissent tous deux. Tout en faisant la moitié du chemin pour répondre aux avances de la noblesse, il ne devait pas permettre qu'on abusât d'eux. L'aristocratie, selon lui, était une caste très respectable, la fleur de la société, l'élite du genre humain. Les Dunstable et les Moffat devaient donc faire le plus grand cas de sa sympathie et de son approbation, mais ils ne devaient pas non plus payer trop cher ses avantages. L'aristocratie ne donnait rien pour rien, et elle s'attendait à recevoir beaucoup en échange de ses simples égards. Il était donc du devoir des Dunstable et des Moffat de veiller à leurs propres intérêts et de ne pas payer au-dessus de leur valeur les attentions dont ils étaient l'objet. Il était probable qu'on chercherait à leur faire épouser à l'un et à l'autre quelques pauvres rejetons de la noblesse, afin que leur fortune, si péniblement acquise, servît au plaisir et au bien-être d'une classe supérieure. C'était surtout contre cela qu'il fallait se mettre en garde, et le plus sûr moyen de ne pas tomber dans les pièges qui leur étaient tendus, c'était de former entre eux une alliance défensive et de se marier dans leur propre sphère. Nous ne saurions dire si la leçon fit une impression bien durable sur l'esprit de Miss Dunstable. Peut-être avait-elle déjà pris son parti sur le sujet que M. Moffat discutait si bien. Elle était plus âgée que lui, et en dépit des 2 années qu'il avait passées au Parlement, elle connaissait mieux que lui le monde auquel elle avait affaire. Cependant, elle l'écouta poliment, comprit son but comme elle avait compris celui de son aristocratique rival, et elle n'en fut point offensée. Mais dans le fond de son cœur, elle ne put s'empêcher de plaindre Miss Gresham. Ses bons avis, cependant, ne pouvaient assurer à M. Moffat la fortune de Miss Dunstable. Il fallait faire une démarche plus décisive, et cette démarche, il résolut de la faire, bien convaincu que tout ce qu'il avait déjà dit aurait quelque poids auprès de l'héritière. Les convives du château de Courcy étaient sur le point de se séparer. Le comte et ses fils partaient pour un rendez-vous de chasse en Écosse. La comtesse et ses filles se disposaient à s'embarquer pour l'Irlande. M. Moffat se rendait à Londres pour y préparer sa pétition. Miss Dunstable allait recommencer ses voyages à l'étranger pour le bénéfice de son médecin et de ses domestiques, et Frank allait enfin avoir la permission de retourner à Cambridge, à moins que son succès auprès de Miss Dunstable ne rendît cette mesure inutile. « Je crois que vous pouvez maintenant vous expliquer, Frank, lui dit la comtesse. Vous la connaissez depuis longtemps, et autant que j'en puis juger, elle vous aime beaucoup. Allons donc, ma tante, elle ne se soucie nullement de moi. « Je pense différemment. Je suppose que vous n'avez pas peur de la demander en mariage ?»« Peur ?» dit Frank d'un ton dédaigneux. Et pour prouver qu'il n'avait pas peur, il se décida presque à demander la main de Miss Dunstable. La seule difficulté était qu'il n'avait nullement l'intention de l'épouser. Un autre grand événement devait encore se passer avant le départ des hôtes de la comtesse. C'était un grand dîner chez le duc d'Evry. Le duc avait refusé de venir au château de Courcy. mais il avait jusqu'à un certain point réparé ce manque de condescendance en invitant quelques-uns des convives de Lord de Courcy à prendre part à un grand banquet qu'il se disposait à donner à ses voisins. M. Moffat devait partir le lendemain de ce grand dîner. Il se décida donc à tenter les chances de la fortune le matin de ce même jour. Ce ne fut pas sans peine qu'il en fit naître l'occasion. Il réussit cependant à se trouver seul avec Miss Dunstable dans une des principales allées du parc. « N'est-ce pas une chose étrange, lui dit-il en ramenant la conversation sur son thème favori, que j'aille dîner chez le duc d'Evry, l'homme le plus riche, dit-on, de toute l'aristocratie anglaise ?»« Les hommes de ce genre invitent de temps à autre toute espèce de gens, dit assez peu poliment Miss Dunstable. « Oui, je le sais, mais ici il ne s'agit pas d'un dîner où vont toute espèce de gens. » Je m'y rends comme hôte de Lord de Courcy et avec quelques membres de sa famille. Ce n'est pas que j'en sois fier, oh, pas le moins du monde. Je suis plus fier de l'honnête industrie de mon père, mais cela montre ce que peut faire l'argent dans notre pays. Oui, l'argent fait de singulières choses. Et en disant cela, Miss Dunstable ne put s'empêcher de penser que l'argent avait fait une singulière chose en décidant Miss Gresham à devenir amoureuse de M. Moffat. « Oui, l'argent est tout puissant, reprit-il, car enfin, Miss Dunstable, nous sommes les hôtes les plus honorés du château. Je n'en suis pas sûr. Vous, c'est possible, vous êtes membre du Parlement. Pas à présent, Miss Dunstable. Vous le serez, cela revient au même. Mais moi, je n'ai pas cet honneur, Dieu merci. » Ils continuèrent leur promenade en silence, car M. Moffat ne savait comment aborder la grande question. « C'est tout à fait amusant d'observer ces gens, reprit-il enfin. Et dire qu'ils nous accusent de courtiser la noblesse. Vraiment, je ne savais pas qu'on m'accusât d'une pareille chose. Je n'ai pas voulu dire vous et moi, personnellement. Ah, j'en suis bien aise. Mais c'est ce que le monde dit des gens de notre classe. Quant à moi, il me semble que c'est tout le contraire. La comtesse nous courtise assez, ainsi que ses filles. Vous trouvez? S'il en est ainsi, je ne m'en suis pas perçu. Mais à vrai dire, je m'occupe peu de ces choses. « Je vis principalement pour moi, Monsieur Moffat. »« Je le vois, et je ne vous en admire que davantage. Mais, Miss Dunstable, vous ne pourrez pas toujours vivre ainsi. » Et Monsieur Moffat la regarda d'un air qui l'avertissait que le moment de la déclaration était venu. « C'est ce que nous verrons, Monsieur Moffat. » Monsieur Moffat chercha à faire comprendre à la riche héritière combien il était important que deux personnes dans leur position vécussent soit pour elles-mêmes, soit l'une pour l'autre, et surtout qu'elles se gardassent de tomber dans la gueule dévorante des lions de l'aristocratie, toujours à l'affût d'une proie. Arrivée au détour d'une allée, Miss Dunstable témoigna le désir de rentrer. Elle s'était assez promenée, dit-elle. Les intentions de M. Moffat devenaient manifestes, et elle jugeait prudent de se retirer. « Que je ne vous oblige pas à rentrer, M. Moffat, dit-elle, mais mes bottines sont un peu mouillées, et le docteur Easyman ne me pardonnera jamais si je ne rentrais pas immédiatement. « J'espère que vous n'avez pas les pieds humides, » dit M. Moffat avec la plus vive sollicitude. « Oh, cela ne fait rien, mais vous savez qu'il est toujours bon d'être prudent. Adieu, M. Moffat. »« Miss Dunstable. »« Monsieur. » Et Miss Dunstable s'arrêta au milieu de l'allée. « Je ne veux pas vous permettre de venir avec moi, je sais que vous n'aviez pas l'intention de rentrer si tôt. » « Miss Dunstable, je compte partir demain. »« Oui, et moi après-demain. »« Je le sais, je vais à Londres, et vous partez pour l'étranger. Il se passera peut-être bien du temps avant que nous nous revoyions. »« Ce sera vers Pâques, à moins que mon médecin ne tombe malade en route. »« Et j'aurais bien voulu vous dire quelque chose avant de nous séparer pour si longtemps, Miss Dunstable. »« Arrêtez, Monsieur Moffat. » « Je veux bien écouter tout ce que vous avez à me dire, mais à une condition, c'est que Miss Gresham sera présente à notre conversation. Y consentez-vous ?»« Miss Gresham n'a aucun droit à mes confidences. »« Vraiment ? Il me semble qu'elle devrait en avoir. Quant à moi, je ne veux pas empiéter sur ses droits en écoutant des confidences dont elle n'a pas sa juste part. »« Mais, Miss Dunstable, et à vous dire vrai, Monsieur Moffat, je ne manquerai pas de lui répéter avant le dîner tout ce que vous pourriez me dire. » « Adieu, Monsieur Moffat. J'ai certainement les pieds un peu humides, et si je restais une minute de plus, le docteur Easyman retarderait mon départ de 8 jours. » Et elle le laissa seul au milieu de l'avenue. Dans le premier moment, Monsieur Moffat se consola de sa mésaventure en se demandant comment il pourrait se venger de Miss Dunstable. Mais il renonça bientôt à un projet aussi futile. Quitter la partie parce qu'une aussi riche proie lui échappait au premier essai? Non, non, de pareils prix ne s'obtiennent pas si aisément. Le refus de Miss Dunstable avait sans doute pour motif son engagement avec Miss Gresham. Si cet engagement était rompu publiquement, toute difficulté serait aplanie. Donc, au lieu de chercher à se venger de Miss Dunstable, il serait infiniment plus sage, plus digne de M. Moffat, de poursuivre son but et de surmonter tous les obstacles qu'il rencontrerait sur son chemin.